Chapitre 10e. De retour au château, et comme elle traversait le vestibule, Magdalène sentit une main s'appuyer sur son épaule. Elle se retourna et se trouva face à face avec sa sœur. Avant qu'elle pût lui poser aucune question, Nora, fort troublée, lui adressa ces paroles. « Je vous demande pardon. Je vous prie de vouloir bien me pardonner. » Magdalène regarda sa sœur avec une profonde surprise. En elle, tout souvenir des paroles un peu vives échangées dans le bosquet s'était effacé devant les nouveaux intérêts qui maintenant l'absorbaient tout entière. Effacé aussi complètement que si cette altercation n'avait jamais eu lieu. « Vous pardonnez ?» répéta-t-elle stupéfaite. « Et quoi donc, je vous prie ?»« J'ai entendu parler de vos nouveaux projets, » continua Nora, parlant avec une espèce de soumission machinale qui donnait à son attitude une sorte de disgracieuse contrainte. « J'ai voulu tout remettre à bien entre nous. J'ai voulu vous dire mon regret de ce qui est arrivé. Consentirez-vous à l'oublier ? Oublierez-vous et me pardonnerez-vous ce qui est arrivé dans le bosquet ?» Elle voulut passer outre. Mais soit réserve obstinée, ou peut-être par suite de la confiance invétérée qu'elle avait dans son propre jugement, elle s'arrêta sur ses dernières paroles. Tout à coup, son visage s'obscurcit de nouveau. Sans donner à sa sœur le temps de lui répondre, elle se détourna brusquement et s'élança sur l'escalier. Avant que Magdalène eût pu la suivre, la porte de la bibliothèque s'ouvrit et Miss Garth s'avança pour lui exprimer les sentiments officiels qui convenaient à la situation. Ce n'étaient point les mêmes sentiments de déférence contrainte qu'on venait justement de témoigner à Magdalène. Nora s'était efforcée de combattre la méfiance enracinée que lui inspirait Frank, par déférence pour la décision irrévocable que les chefs de la famille avaient prise en faveur de ce jeune homme. Et bien que ce sentiment lui-même demeurât invincible, elle étouffait toute manifestation extérieure de son antipathie. Miss Garth n'avait pas fait les mêmes concessions au maître et à la maîtresse de la maison. Investie jusqu'alors d'une grande autorité dans toutes les questions domestiques, elle rejetait bien loin l'idée de quitter son piédestal pour n'importe quel changement de circonstances, si extraordinaire, si imprévu que pût être ce changement. « Veuillez accepter mes félicitations, » dit Miss Garth, tout hérissée d'objections hostiles à Frank. « Mes félicitations et mes excuses. Quand je vous ai surprise donnant un baiser à Mr. Francis Clare dans le pavillon d'été, je n'avais pas la moindre idée que vous fussiez occupée à réaliser les intentions de vos parents. Je n'ai pas d'opinion à exprimer là-dessus. Je regrette simplement de m'être ainsi trouvé par accident, jouer le rôle d'obstacle au courant du véritable amour, lequel, n'en déplaise à Shakespeare, me paraît couler assez à l'aise dans les pavillons d'été. Veuillez ne plus me regarder à l'avenir, je vous prie, comme un obstacle. Puissiez-vous d'ailleurs être heureuse. » Sur cette dernière phrase, les lèvres de Miss Garth se fermèrent comme une trappe, et les regards de Miss Garth semblèrent plongés, prophétiques et sombres, dans l'avenir conjugal des deux jeunes gens. Si les inquiétudes de Magdalène n'avaient pas été beaucoup trop sérieuses pour lui laisser la liberté ordinaire de son langage, elle eût trouvé à l'instant même une réplique très directe et très moqueuse. En l'état des choses, Miss Garth ne fit que l'irriter. « Bah, bah !» dit-elle, courant rejoindre sa sœur. Elle frappa légèrement à la porte, et on ne répondit pas. Elle poussa doucement le battant et trouva une résistance intérieure. Nora, la boudeuse, l'intraitable Nora, s'était enfermée dans sa chambre. En d'autres circonstances, Magdalène ne se serait pas bornée à frapper. Elle eût appelé à travers la porte, de plus en plus fort, jusqu'à ce que le château fût sens dessus-dessous et qu'elle eût obtenu l'accès disputé. Mais ses doutes et ses craintes l'avaient déjà, pour ainsi dire, énervée. Elle redescendit doucement et prit son chapeau accroché dans le vestibule. « Il m'a dit de mettre quelque chose sur ma tête », se répétait-elle, manifestant une docilité filiale. Une douceur qui contrastait absolument avec ses allures ordinaires. Elle se dirigea dans le jardin, du côté du bosquet, et là, se posta de manière à voir son père aussitôt qu'il rentrerait. Une demi-heure se passa, 40 minutes s'écoulèrent, et alors seulement la voix de Mr. Vanstone se fit entendre, arrivant des massifs lointains. « Ici, restez derrière !» l'entendit-elle crier rudement à son chien. Elle devint pâle. comme il traite Snap ? Murmura-t-elle. Enfin, Mr. Vanstone apparut, marchant à grands pas, la tête basse, et suivi du terrier en disgrâce, qui se traînait humblement sur ses talons. Devant ces signes précurseurs de quelques fâcheux résultats, l'excès de ses craintes rendit à Madeleine son énergie naturelle, et la déterminèrent à savoir tout de suite, n'importe à quel risque, ce qui avait pu advenir de pire. « Je lis de mauvaises nouvelles de votre physionomie, » dit-elle à son père d'une voix faible. « Comme d'habitude, Mr. Clair a été impitoyable. Il a refusé, n'est-il pas vrai ?» Son père se tourna vers elle avec une brusquerie si nouvelle et par conséquent si imprévue que Magdalene recula d'un pas, véritablement effrayée. « Enfant, » lui dit-il, « quand il vous arrivera désormais de parler de mon vieil ami, de mon excellent voisin, veuillez vous rappeler ceci. Mr. Clair vient de me rendre un service dont je lui serai reconnaissant jusqu'à la fin de mes jours. » Il s'arrêta tout à coup sur ces remarquables paroles. Voyant sa fille effarouchée, sa bonté naturelle le poussa immédiatement à émousser le reproche et à faire cesser la pénible incertitude dont, bien évidemment, elle souffrait. « Embrassez-moi, mon enfant, » reprit-il, « et vous saurez, en revanche, que Mr. Clair a dit oui. » Elle essaya de le remercier, mais la soudaine transition de l'inquiétude la plus vive à la certitude la plus désirée se trouva au-dessus de ses forces. Elle ne put que se suspendre silencieusement au cou de son père. Il la sentait trembler de la tête aux pieds, et par quelques mots caressants, il essaya de la calmer. À la voix de son maître, maintenant radoucie, Snap laissa paraître fièrement l'humble cœur amené naguère entre ses jambes, et par un léger aboiement, l'intelligent animal sembla vouloir reconnaître la position nouvelle qui lui était faite. Rien n'était mieux trouvé pour rendre Magdalene à elle-même que cette requête indirecte du chien favori demandant à rentrer dans ses anciens droits. Elle prit dans ses bras le petit terrier à la toison ébouriffée et l'embrassa, lui, tout le premier. « Vous voilà donc presque aussi content que moi, Roquet chéri !» s'écria-t-elle. Puis elle se tourna vers son père avec un regard de reproche tendre. « Savez-vous, lui dit-elle, que vous m'avez fait peur. Vous étiez si différent de vous-même. » « Demain, ma chère, je serai mieux. Je suis aujourd'hui un peu contrarié. Pas par moi, j'espère. Non, non. Par quelque chose alors que vous avez appris chez Mr. Clair. Oui. Mais rien qui doive vous alarmer. Rien qui ne soit dès demain au rang des choses passées. Laissez-moi maintenant vous quitter, mon enfant. J'ai une lettre à écrire, et il faut que je parle à votre mère. » Il la quitta ainsi et rentra au château. Magdalene resta un moment sur la pelouse, savourant à loisir ses nouvelles sensations de bonheur. Puis elle se dirigea vers le bosquet pour se donner le plaisir, bien plus vif, de les faire partager à un autre. Le chien la suivait, sifflant et battant des mains. « Cherche, » disait-elle, les yeux rayonnant de joie. « Cherche, Frank, cherche !» Snap s'enfonça au galop dans le bosquet en poussant au départ un grognement féroce. Peut-être se méprenait-il sur les intentions de sa jeune maîtresse, et se croyait-il à la poursuite de quelques rats. Cependant, Mr. Vanstone était rentré. Il trouva sa femme qui descendait lentement l'escalier et s'avança pour lui offrir son bras. « Comment cette démarche a-t-elle abouti ? » lui demanda-t-elle avec anxiété, tandis qu'il la menait vers le sofa. « Aussi heureusement que nous l'espérions, » répondit son mari. Mon vieil ami a justifié l'opinion que je m'étais formée sur son compte. « Dieu soit loué !» dit Mrs. Vanstone avec ferveur. « Et bon ami ?» lui demanda-t-elle, pendant qu'il arrangeait autour d'elle les coussins du sofa. « Tout cela vous a-t-il été aussi pénible que je le craignais ?»« J'avais un devoir à remplir, ma chère, et je l'ai rempli. » Après avoir ainsi répondu, il hésita. Sans doute il avait quelque chose de plus à dire. Quelque chose peut-être au sujet de cette contrariété passagère, résultat de son entrevue avec Mr. Clair, et que les questions de Magdalene l'avaient contraint d'avouer. Un regard jeté sur sa femme trancha ses doutes en faveur de la négative. Il lui demanda simplement si elle se sentait bien installée et se détourna pour quitter le salon. « Faut-il donc vous en aller ?» lui demanda-t-elle. « J'ai, ma chère, une lettre à écrire. Relativement à Frank ? Non. Pour cela, il sera temps demain. Une lettre à Mr. Pendrell. J'ai besoin qu'il vienne immédiatement. Quelque affaire, sans doute ? Oui, cher ami, une affaire. Il sortit là-dessus et alla s'enfermer dans la petite pièce voisine du vestibule et qui lui servait de cabinet de travail. Enclin par nature et de plus habitué à n'écrire qu'à la dernière extrémité, il ouvrit cette fois son pupitre avec une promptitude extraordinaire et saisit sa plume sans le moindre délai. La lettre qu'il écrivit remplissait 3 pages entières. Elle avait été tracée avec une facilité d'expression, une rapidité de main tout à fait inusitée dans l'ordre routinier de ses travaux épistolaires. L'adresse fut rédigée ainsi. Très pressé. William Penryl, Esquire, Searle Street, Lincoln's Inn, Londres. Puis, demeurant assis à sa table, il se prit à tracer des lignes sur son papier buvard, tandis qu'il s'absorbait dans ses pensées. « Non, se dit-il enfin, jusqu'à l'arrivée de Penryl, je n'ai pas autre chose à faire. » Il se leva, et sa physionomie s'éclaira au moment où il plaçait le timbre sur l'enveloppe. Cette lettre écrite avait été pour lui un notable soulagement, et toute son attitude le prouvait de reste quand il quitta la chambre. Il trouva sur le seuil du vestibule Nora et Miss Garth, qui partaient ensemble pour la promenade. « De quel côté passez-vous » demanda-t-il. « Serait-ce dans le voisinage du bureau de poste ?»« Je voudrais bien vous charger, Nora, de jeter cette lettre dans la boîte. Il est très essentiel qu'elle arrive. Si essentiel que je ne me soucie pas de la confier à Thomas, comme d'ordinaire. » Nora se chargea immédiatement de la commission. « Vous pourrez voir, mon enfant, » continua son père, « que j'écris à Mr. Penryl. Je l'attends ici demain, dans l'après-midi. Voudrez-vous, Miss Garth, donner les ordres indispensables ?»« Mr. Penryl couchera chez moi demain soir et restera jusqu'à dimanche. »« Un instant. Nous sommes aujourd'hui vendredi. »« Bien certainement, j'ai un rendez-vous pour le samedi dans la soirée. » Il consulta son agenda. Et non sans manifester une certaine contrariété, lut une des notes qu'il y avait consignées. Gralsy Mill, 3 heures, samedi. Juste le moment où Penryl sera ici. Et il faut absolument que je le voie. Comment arranger cela? Il sera trop tard lundi pour l'affaire que j'ai à Gralsy. J'irai donc aujourd'hui, au lieu de demain, et courrai la chance d'attraper le meunier à l'avance de son repas. Sur ce, il tira sa montre. Je n'ai pas le temps d'aller en voiture. Il faut prendre le chemin de fer. Si je pars tout de suite, je pourrais prendre à l'autre station le train descendant et arriver à Gralsy dans le temps voulu. Je vous recommande la lettre, Nora. Qu'on ne m'attende pas pour dîner. Si le train de retour ne me va pas, j'emprunterai à Tilbury et m'en reviendrai de cette façon. » Comme il prenait son chapeau, Magdalen, qui venait de quitter Frank, parut à la porte. Les allures hâtées de son père attirèrent son attention. Elle lui demanda où il allait. « À Gralsy, » répondait Mr. Vanstone. « Votre affaire, Miss Magdalen, vient à la traverse des miennes, et il faut bien que les miennes lui cèdent le pas. » Il prononça ses paroles d'adieu avec toute sa cordialité d'autrefois, et il quitta les 3 dames, faisant tournoyer comme autrefois le bâton fidèle qu'il emportait toujours avec lui. « Mon affaire, » dit Magdalen, « je croyais mon affaire terminée. » Miss Garth montrant la lettre que Nora tenait à la main. « Votre affaire l'est sans nul doute, » dit-elle. « Mr. Penryl arrivera demain, et Mr. Vanstone paraît singulièrement préoccupé de sa visite. Voilà déjà les hommes de loi et les troubles qu'ils amènent. Les institutrices qui regardent aux portes des pavillons d'été ne sont pas près tout les seuls obstacles que l'amour sincère trouve sur sa route. Le parchemin est quelquefois un obstacle. Puisse le parchemin ne pas mieux résister que moi. Je vous souhaite à cet égard toutes sortes de bonnes chances. Et maintenant, Nora, nous pouvons partir. » La seconde flèche de Miss Garth ne pénétra pas plus avant que la première. Magdalen était rentrée au château un peu contrariée. Son entretien avec Frank ayant été interrompu par un messager de Mr. Clare, chargé de lui ramener son fils immédiatement. Bien qu'il eût été convenu entre Mr. Vanstone et Mr. Clare que les questions débattues dans leur entretien de la matinée ne seraient communiquées aux jeunes gens qu'au bout de l'année d'épreuve, et bien que, dans ces circonstances, Mr. Clare ne put rien dire à Frank que Magdalen ne lui eût déjà communiqué d'une manière tout autrement agréable, le philosophe n'en avait pas moins résolu d'informer personnellement son fils de cette concession paternelle qui le dispensait de s'exiler en Chine. De là ce message soudain, qui rappelait son fils au cottage et dont Magdalène s'effaroucha, mais qui ne parut pas étonner Frank. Son expérience filiale n'eut pas grand-peine à pénétrer les mystérieux motifs de Mr. Clair. « Quand mon père est de bonne humeur, disait-il en boudant, il aime à me taquiner sur ma bonne chance. Ce message veut dire qu'il est en veine de me taquiner encore. » « N'y allez pas, » suggéra Magdalène. « Il le faut, » répondit Frank. « Ça serait à n'en plus finir si je n'y allais pas. Il est chargé, amorcé, il faut qu'il parte. » Ainsi, autrefois, quand l'ingénieur me prit avec lui, ainsi de même, et pour la seconde représentation, quand je fus admis dans les bureaux de la cité. Et maintenant que vous m'acceptez, vous aussi, ça sera sa troisième décharge. Si ce n'était à cause de vous, je voudrais n'être pas de ce monde. Certainement, votre père a été bon pour moi, je le sais. Et sans lui, j'aurais dû partir pour la Chine. Je lui suis à coup sûr très obligé. Naturellement, nous ne pouvions pas attendre mieux. Malgré cela, il est décourageant, n'est-il pas vrai, de nous faire attendre ainsi toute une année. Magdalène, ici, lui ferma la bouche par un procédé sommaire dont Frank lui-même ne pouvait se montrer que fort reconnaissant. En même temps, elle se gardait bien de ne pas envisager du bon côté ce mécontentement qu'il manifestait si mal à propos. « Comme il m'aime, » pensait-elle, « une année d'attente lui est une véritable torture. » Elle revint au château, regrettant tout bas de n'avoir pas écouté un peu plus longtemps les tendres et flatteuses doléances de son amoureux. Les épigrammes préméditées de Miss Garth ne pouvaient donc à cette heure toucher Magdalène. À quoi la jeunesse et l'amour ont-ils jamais pris garde, si ce n'est à eux-mêmes? Cette fois, elle ne répondit pas, même par la plus insouciante exclamation. Silencieuse et sereine, elle déposa son chapeau pour aller d'un pas languissant tenir compagnie à sa mère dans le petit salon. Son lunch fut attristé par le pressentiment de quelques disputes entre Frank et Mr. Clair. Pressentiment çà et là interrompu par une tranche de volaille froide ou de cheesecake. Elle perdit ensuite une bonne heure au piano. Cette heure fut employée à exécuter divers passages, des romances de Mendelssohn, des mazurkas de Chopin, des opéras de Verdi, des sonates de Mozart, qui, tant bien que mal amalgamées, produisirent une œuvre immortelle intitulée « Frank ». Puis elle ferma l'instrument, et monta chez elle pour se livrer en paix aux délicieuses anticipations de son avenir conjugal. Excellente manière de hâter la marche du temps. Les vertes jalousies furent baissées. Le fauteuil ample et commode fut placé devant la psyché. La femme de chambre fut convoquée comme à l'ordinaire, et le peigne, passant et repassant parmi les cheveux de la jeune maîtresse, prêta secours à ses dispositions rêveuses, jusqu'au moment où, la chaleur et la paresse combinant leurs influences narcotiques, Magdalène tomba dans un profond sommeil. Il était plus de 3 heures quand elle s'éveilla. Descendue de nouveau, elle trouva sa mère, Nora et Miss Garth assises sous le portique ouvert devant la maison pour y jouir de l'ombre et de la fraîcheur du soir. Nora tenait à la main l'indicateur des chemins de fer. Elle venait de discuter les chances qu'avait Mr. Vanstone de trouver un train de retour et de rentrer à temps pour dîner. Ce sujet avait ensuite amené ces dames à parler de l'affaire qu'il avait à Grailsy, affaire de charité comme toujours, entreprise au profit du meunier, qui avait occupé autrefois une de ses fermes et qui se trouvait maintenant sous le coup de sérieuses difficultés pécuniaires. De là, insensiblement, elles étaient tombées sur un sujet inépuisable, bien qu'elles y revinssent souvent, l'éloge de Mr. Vanstone lui-même. Chacune des 3 interlocutrices avait quelque exemple particulier à citer de sa chaleur d'âme, de sa simple et généreuse bienveillance. Il semblait que cet entretien fût, pour sa femme, d'un intérêt presque douloureux. Elle était maintenant trop près d'une épreuve décisive pour aborder, sans une sorte de frémissement nerveux, le sujet qui avait toujours occupé dans son cœur la première place. Au moment où Magdalène allait rejoindre le petit groupe réuni sous le portique, les yeux de Mrs. Vanstone étaient prêts à déborder. Et sa main frêle tremblait quand elle fit signe à sa fille cadette de prendre un siège à côté d'elle. « Nous parlions de votre père, » lui dit-elle doucement. « Plaise au ciel, ma chérie, que votre mariage soit seulement aussi heureux. » Ici, la voix lui manqua. Elle passa précipitamment son mouchoir sur son visage et posa sa tête sur l'épaule de Magdalène. Nora, d'un regard, sembla implorer Miss Garth, qui tout aussitôt ramena la conversation sur les probabilités relatives au retour de Mr. Vanstone. « Nous nous demandions, dit-elle, jetant à Magdalen un regard significatif, si votre père pourra quitter Grailsead à ses bonnes heures pour prendre le train, ou si, venant à le manquer, il sera obligé de chercher une voiture. Qu'en dites-vous ? Je dis que papa manquera le train, répondit Magdalen, entrant avec sa promptitude ordinaire dans les intentions de Miss Garth. La dernière chose dont il aura voulu s'occuper à Grailsea sera l'affaire pour laquelle il y est allé. C'est sa manière, n'est-il pas vrai, maman, d'ajourner jusqu'à la dernière minute ce qu'il doit faire de sérieux ? Cette question produisit exactement sur sa mère l'effet que Madeleine en attendait. « Non, » dit Mrs. Vanstone, légèrement excitée, « jamais il n'est en retard dans une mission charitable. Il est allé au secours du meunier pour des difficultés fort pressantes et... « Et savez-vous ce qu'il fera ?» interrompit Magdalen. « Il jouera au bar avec les enfants du moulin, bavardera autour de leur mère, flânera çà et là, en compagnie du meunier lui-même. Au dernier moment, quand il ne lui restera plus que 5 minutes pour gagner le train, « Allons, » dira-t-il, « allons dans le bureau, voyons les livres. » Il trouvera des livres d'une complication effrayante, proposera d'envoyer chercher un comptable, et d'ici à ce qu'il vienne, réglera provisoirement l'affaire, séance tenante, en prêtant l'argent nécessaire. Puis il s'en reviendra confortablement dans le tilbury du meunier et nous racontera combien il est agréable de traverser les Landes à la fraîcheur du soir. La petite esquisse ainsi tracée était trop fidèlement ressemblante pour n'être pas reconnue telle. Mrs. Vanstone témoigna par un sourire qu'elle en appréciait l'exactitude. « Au retour de votre père, dit-elle, nous mettrons à l'épreuve la vérité de vos prophéties. Je crois du reste, continua-t-elle, se levant languissamment de son fauteuil, que je ferais mieux de rentrer maintenant et de me reposer sur le sofa jusqu'à ce qu'il soit revenu. » La petite réunion se sépara là-dessus. Magdalen se déroba dans le jardin où Franck devait venir lui rendre compte de l'entrevue qu'il aurait eue avec son frère. Les autres dames rentrèrent ensemble à la maison. Quand Mrs. Vanstone fut à loisir établie sur le sofa, Nora et Miss Garth, la laissant reposer, se retirèrent dans la bibliothèque pour examiner la dernière caisse de livres arrivée de Londres. C'était un soir d'été, calme et sans nuages. Une légère brise d'ouest tempérait la chaleur. La voix de quelques laboureurs à l'œuvre dans un champ voisin arrivait joyeuse jusqu'au château. L'horloge de l'église rustique, sonnant de quart d'heure en quart d'heure, livrait au vent des notes mieux timbrées et plus harmonieuses que de coutume. Des chants et du parterre montaient aux fenêtres ouvertes, une foule de 12 odeurs qui envahissaient le château, et les ciseaux que Nora conservait dans une des chambres du haut racontaient triomphalement leur bonheur au dernier rayon du soleil. Comme l'horloge de l'église sonnait 4 heures et quart, la porte du petit salon s'ouvrit, et Mrs. Vanstone traversa seule le vestibule. Elle avait inutilement cherché à se calmer. Elle était trop agitée pour s'étendre paisiblement et s'endormir. Un moment, elle dirigea ses pas vers le portique. Puis elle se retourna et regarda autour d'elle, ne sachant évidemment où elle irait ni que faire. Pendant qu'elle hésitait ainsi, la porte du cabinet de son mari, à moitié ouverte, attira son attention. Cette pièce semblait être dans un grand désordre. Certains tiroirs étaient restés béants. Des habits et des chapeaux, des registres et des papiers, des pipes et des lignes de pêche étaient éparpillés çà et là. Elle entra et repoussa la porte derrière elle, mais si doucement que cette porte ne se ferma point tout à fait. « Je me distrairai, » pensait-elle, en remettant un peu d'ordre dans cette chambre. « J'aimerais faire quelque chose pour lui avant le moment où je serai dans mon lit et hors d'état de lui être bonne à quoi que ce soit. » Elle se mit à refermer les tiroirs et, trouvant tout grand ouvert dans l'un d'eux, le carnet du banquier de Mr. Vanstone. « Ce pauvre ami qu'il est négligent, » dit-elle. « Si je n'étais pas venue jeter un coup d'œil par ici, les domestiques auraient pu se mettre au courant de toutes ces affaires. » Elle rangea les tiroirs et en vint ensuite à une multitude de petits objets divers entassés sur une console. Parmi des papiers amoncelés, elle y trouva un vieux cahier de musique, sur lequel son nom était écrit d'une encre blanchie par le temps. Cette découverte la rendit heureuse et la fit rougir comme une jeune fille. « Qu'il est bon. Il se rappelle mon pauvre vieux cahier et le conserve pour l'amour de moi. » Assise près de la table et le livre ouvert devant elle, ses jours passés lui revinrent avec leur cortège d'attendrissants souvenirs. L'horloge sonna les 3 quarts, elle était toujours là, le cahier de musique sur ses genoux, heureuse d'y retrouver les chants d'autrefois, songeant avec reconnaissance au temps radieux où la main de son fiancé tournait pour elle les pages de ce petit livre, où la voix de son fiancé murmurait à ses oreilles les paroles émues qui jamais ne s'effacent de la mémoire d'une femme. Nora, quittant le volume qu'elle lisait, jeta un regard sur la pendule de la bibliothèque. « Si mon père revient par le chemin de fer, dit-elle, il sera ici dans 10 minutes. » Miss Garth tressaillit et leva ses yeux chargés de sommeil. « Je ne pense pas, répondit-elle, qu'il ait pris le train pour revenir. Il s'en reviendra. » Comme dit cet étourdi de Magdalene, dans le confortable tilbury du meunier. Au moment où elle parlait ainsi, on frappa un léger coup à la porte de la bibliothèque. Le valet de pied se montra et, s'adressant à Miss Garth, « Quelqu'un demande à vous voir, madame. Qui est-ce ? Je ne sais pas, madame. Je n'ai jamais vu cette personne. C'est un homme de bonne apparence. Et il a dit qu'il avait des raisons particulières pour demander à vous voir. » Miss Garth passa dans le vestibule. Le valet de pied referma derrière elle la porte de la bibliothèque et redescendit par l'escalier de service. L'homme était debout tout contre la porte, sur la natte même où il venait d'essuyer ses pieds. Son regard errait çà et là, son visage était pâle. Il avait l'air malade et comme effrayé. Sa casquette, autour de laquelle s'agitaient ses doigts crispés, passait et repassait d'une main à l'autre. « Vous vouliez me voir ?» lui dit Miss Garth. « Je vous demande bien pardon, madame, mais... vous n'êtes pas Mrs. Vanstone, n'est-ce pas ?»« Non, certes, je suis Miss Garth. Pourquoi me faites-vous cette question ?»« Je suis employée dans les bureaux à la station de Grailsea. Eh bien, on m'envoie ici. » Il s'arrêta de nouveau. Ses regards vagues s'abaissèrent vers la natte, et plus que jamais, ses mains agitées se crispèrent autour de sa casquette. Il passa sa langue sur ses lèvres desséchées et une fois encore essaya de s'expliquer. « On m'envoie ici à cause d'une affaire très sérieuse. »« Sérieuse pour moi ?»« Sérieuse pour tous ceux qui habitent cette maison. » Miss Garth fit un pas pour se rapprocher de lui et le regarda fixement au visage. Malgré la chaleur qu'il faisait, elle se sentit glacée. « Un moment, » dit-elle avec une méfiance soudaine, et jetant de côté un regard inquiet vers la porte du petit salon. « Cette porte était bien close. Dites-moi tout et ne parlez pas trop. Il est arrivé un accident, où cela ?»« Sur le chemin de fer, près de la station de Grailsea. Le train montant, le train de Londres ? Non, le train descendant d'1h50. Dieu tout-puissant. Le train par lequel Mr. Vanstone est allé à Grailsea ? Justement. On m'a fait partir par le train montant. La ligne a pu être débarrassée à temps pour cela. On n'a pas voulu écrire. On a dit que j'aurais à voir Miss Garth et à lui donner verbalement la nouvelle. Sept passagers sont grièvement blessés et deux... » Le dernier mot s'arrêta sur ses lèvres. Il leva silencieusement la main, les yeux grands ouverts, et l'horreur peinte dans ses yeux. Il leva la main et l'étendit par-dessus l'épaule de Miss Garth. Celle-ci détourna la tête. Face à face avec elle, à l'entrée du cabinet, la maîtresse du château était debout. Elle tenait, serrée machinalement dans ses deux mains, son vieux cahier de musique. Elle était debout, vrai spectre d'elle-même, un calme effrayant dans la voix. Elle répéta les dernières paroles de cet homme. « Sept passagers grièvement blessés et deux... » Ses doigts contractés lâchèrent ce qu'il tenait si bien. Le livre leur échappa. Elle s'affaissa lourdement en avant. Miss Garth la retint avant sa chute. Elle la retint et se tourna vers le messager, supportant ainsi le corps de la femme évanouie, pour apprendre enfin ce qu'était devenu le mari. « Le mal est fait, » dit-elle. « Vous pouvez vous expliquer maintenant. Est-il blessé ? Sera-t-il mort ? Il est mort. »